بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va commencer le cours d'aujourd'hui, inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc le cours 14 aujourd'hui dans l'explication du hadith numéro 12 dans le livre Bahjatul Qari. Et Bahjatul Qari, on a expliqué que c'est un chapitre d'un kitab Sahih al-Bukhari. Et c'est le chapitre qui s'intitule Al-Itisam bil Kitab wa Sunnah. Donc dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui s'intitule Al-Itisam bil Kitab wa Sunnah. Ce qui signifie le fait de se cramponner au Coran et à la Sunnah. Et on a expliqué donc certains hadiths que Cheikh Rabi' al-Madkhali a choisi dans ce livre, et avec son explication de ces hadiths-là. Le dernier hadith, c'est le hadith numéro 12, c'est celui qu'on a commencé à expliquer, on a expliqué le début, ou bien plutôt on a lu la moitié de l'explication au dernier cours, et il nous reste encore l'autre moitié, donc on va conclure ça aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, s'il nous reste du temps à la fin et qu'on n'a pas encore terminé, on lira peut-être certaines questions et réponses, si c'est possible. Bon, parce que je vous disais que à peu près la moitié du livre, ou un peu moins que la moitié, c'est des questions et réponses à la fin du livre. Et il y en a de ces questions-là qui sont extrêmement intéressantes et importantes aussi. Donc, on pourrait prendre quelques cours pour les traduire. Donc, si ça vous intéresse, on verra ça, Inch'Allah, puis on fera la traduction. Et si on ne traduit pas toutes les questions, disons qu'on pourrait traduire celles qui sont les plus bénéfiques pour nous. Donc, Inch'Allah. Donc, on continue avec l'explication du hadith. Pour commencer, je vais relire le hadith. Peut-être que certains qui n'étaient pas là la semaine passée, ils vont pouvoir justement être mis dans le contexte par rapport à ce hadith-là. C'est le hadith que l'imam al-Bukhari a rapporté selon Ismail, selon Malik ibn Anas, selon Abi Zunad, selon Al-A'raj, an Abi Huraira, radiyallahu anhu. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est lui qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit da'ouni, donc il dit qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da'ouni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuh wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum. Donc, ce hadith-là, qu'est-ce qu'il signifie? Signifie, tant que je vous ai laissé, à propos de quelque chose, je ne vous ai pas mentionné si c'est haram ou si c'est halal, alors, ne posez pas de questions, ne me demandez pas. Parce que ceux qui ont péri avant vous, ils ont péri uniquement à cause de leurs nombreuses questions et leur divergence avec leurs prophètes. Et lorsque je vous interdis quelque chose, écartez-vous-en. Et lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous êtes capable. Donc ça, on a commencé à expliquer au dernier cours plusieurs points dans ce hadith-là. Donc on est rendu à l'explication de la partie suivante. C'est, il dit, وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. وهذا يفيد أنه يجب على المسلم أن يتجنب كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتساهل في شيء ولا يجوز له أن يرتكب محرما أبدا إلا ما أباحه الله في حالة الضرورة كالحال مع الميتة ولحم الخنزير وما شابه ذلك. أما في حال الاختيار فلا يجوز له أن يرتكب منهيا أبدا وهذه قاعدة يجب أن يلتزمها المسلمون كل ما نهانا عنه ربنا ونهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم فعلينا اجتنابه. Donc ici, le cheikh, il explique pour commencer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc dans ce hadith, et lorsque je vous interdis quelque chose, eh bien, abstenez-vous-en, hein, écartez-vous-en. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous indique ou qui nous aide à comprendre le fait qu'il est obligatoire pour le musulman de s'écarter de tout ce qui a été interdit pour nous par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas prendre quoi que ce soit de ces interdictions-là à la légère, que c'est pas permis pour nous de faire quelque chose qui est interdit, hein? Et excepté dans les cas de nécessité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les cas de nécessité, il nous permet de faire ce qui est interdit, mais c'est uniquement dans la limite de la nécessité. Comme par exemple lorsque quelqu'un est dans une situation où s'il ne mange pas, il risque de mourir, même si, par exemple, la chose qu'il doit manger, c'est quelque chose qui est à la base haram, comme par exemple du porc, ou bien un animal qui est mort, qui n'a pas été égorgé, et il le trouve, et c'est la seule façon pour lui de pouvoir rester en vie et de ne pas mourir. Alors, dans ce cas-là, naam, il va manger de cet animal. Et c'est à cause de la nécessité que ça devient licite pour lui. Le cheikh, il dit donc, tandis que dans la situation où la personne, elle a le choix, elle n'est pas dans la contrainte ou dans la nécessité, eh bien dans ce cas-là, si elle fait quelque chose qui lui est interdit, eh bien là c'est un péché, c'est haram de faire ça. Donc elle n'a pas le droit de volontairement commettre un péché, de volontairement désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est une règle dans la religion. Et c'est obligatoire pour tous les musulmans de respecter cette règle, c'est-à-dire que tout ce qui nous a été interdit par notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui nous a été interdit par notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est à nous de nous en écarter. Et il dit ensuite, par la ta'ala, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والسبع المبيقات بل السبعون بل أكثر من ذلك هذه كلها يجب علينا اجتنابها كالغيبة والنميمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 dans sourate al-Isra, et n'approchez pas zina, c'est-à-dire l'adultère et la fornication. Donc il dit, n'approchez pas ce péché-là, c'est certes une turpitude et une mauvaise voie. Et dans le verset 10, dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tous ceux qui consomment les biens des orphelins injustement, ils ne font que consommer du feu dans leur ventre, et ils brûleront dans la fournaise. Et ainsi que les 7 grands péchés qui amènent à la perte, même que les 70. Et plus que ça, et plus que cela encore, parce que il y a plusieurs savants qui ont mentionné que les kaba'ir peuvent même atteindre le nombre de 400 et même plus que ça encore. Donc on avait fait justement le sharh du livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Al-Kaba'ir avec le sharh de Sheikh Al-Fawzan, et on a lu donc on a fait la traduction de tout ce livre, et il y avait dedans une grande quantité de grands péchés qui ont été énumérés par le cheikh. Et il dit donc parmi ces grands péchés-là, on compte également par exemple la médisance et le fait de parler dans le dos des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces péchés-là dans le verset 12, dans Sourate Al-Hujurat, lorsqu'il dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, car certaines suspicions sont un péché, et ne vous espionnez pas, ou bien plutôt n'espionnez pas, et ne parlez pas dans le dos les uns des autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous le détesteriez? Alors craignez Allah, hein, préservez-vous d'Allah, certes Allah est pardonneur et hein, il est repentant et miséricordieux, c'est-à-dire il accepte notre repentance et il revient à celui qui se repent. فَالْإِنسَانُ لَا يَصْرِفُ فِي الظَّنِّ وَسُوءِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ فَالْمَنْهِيَاتُ كُلُّهَا يَجِبُ اجْتِنَابَهَا إِلَّا في حالة الضرورة كالغيبة مثلا لا تجوز ولكن إذا كان هناك موجب لتحذير الناس من شخص يدعو إلى الضلال ويكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويفسد في الأرض ويفعل ما يضر بالمسلمين فهذه ضرورة والسكوت عنه غلط لأن السكوت عنه يضر بالناس والشاهد أن المسلم يدور مع الشرع فما حرمه الله يعني يحرمه إطلاقا إلا فيما رخص الله له عند الحاجة والضرورة. Donc le cheikh il explique que une personne ne doit pas donc exagérer dans la mauvaise pensée et les suspicions qu'il a sur les gens, et il dit que parmi les choses qui ont été interdites, il est obligatoire de s'en écarter complètement, excepté dans la situation de nécessité, comme on a mentionné tout à l'heure. Et il dit comme par exemple dans le cas de la médisance ou bien de parler dans le dos, ça c'est quelque chose qui est interdit à la base dans l'islam. Toutefois, si il s'agit d'une personne qui invite à de l'égarement et qui appelle à l'égarement, eh bien, lorsque, par exemple, quelqu'un va mettre en garde contre cette personne, il va avertir les gens contre cette personne, même si il parle dans son dos, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est nécessaire, parce que c'est pour éviter de faire en sorte qu'il corrompe, il fasse la corruption sur la terre et le désordre, et qu'il égare des gens avec lui. Parce que c'est une personne qui ment à propos d'Allah et qui ment à propos de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, c'est une erreur de se taire à son sujet. Et que de mettre en garde et de clarifier aux gens le danger des égarements que cette personne-là propage, eh bien ça devient dans ce cas-là une nécessité. Et c'est pour cette raison-là que il faut... il ne faut pas se taire sous prétexte que de parler à son sujet serait de la médisance. Et c'est ce qu'on entend parfois de la part de certains qui n'ont pas compris justement ce principe dans l'islam, qui pensent que de mettre en garde contre les gens de bid'a ou les innovateurs ou les gens qui propagent du mensonge sur la terre, que ça fait partie de la médisance ou de parler dans le dos, alors que c'est pas le cas. Hein? Et l'imam al-Nawawi dans son livre de Riyad al-Salihin et aussi dans son livre de Al-Adhkar, il a mentionné un chapitre sur l'interdiction de al-Riba, de parler dans le dos. Puis le chapitre qui vient juste après, hein, le chapitre 256, dans Riyad al-Salihin, il mentionne ce qui est licite de de al-Riba. C'est-à-dire ma yubahu min al-riba, ce qui est permis du riba. Donc ça veut dire qu'il y a des cas dans lesquels ça devient permis, et même certains ulama ont clarifié que dans certains cas c'est non seulement permis, mais ça devient même parfois obligatoire pour la personne qui a la capacité de mettre en garde contre ce type de personne qui éloigne les gens de la vérité. Et qu'est-ce que le cheikh il mentionne par rapport à ça? C'est pour clarifier en fait le point que le musulman il doit toujours se soumettre à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans sa révélation, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donc rendu interdit ou illicite, eh bien, il doit le considérer et respecter le fait que cette chose est illicite et s'en écarter. Et ne pas s'avancer dans cette chose, excepté dans ce que Allah a permis, de ce qui est relié à un besoin ou à une nécessité. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa hadhihi qa'ida, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. ويقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهذه الملة هي الحنيفية السمحة فالله تعالى لا يكلف الناس إلا ما يطيقون فالمريض قد يعجز عن الصلاة قائما فيصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب والمسافر قد يشق عليه السفر أو لا يشق فرخص الله له أن يصلي الرباعية ركعتين لأن الناس حين يكونون في السفر هم مظنة المشقة فرخص الله لهم أن يقصروا صلوات الظهر والعصر والعشاء الرباعية إلى ركعتين وإذا مرض الإنسان ويضره الماء إذا توضأ فله أن يتيمم وأمور كثيرة كان صلى الله عليه وسلم يذكرها فيها سماحة الإسلام ورحمته لهذه الأمة Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque je vous ai ordonné quelque chose alors faites-en ce que vous êtes capable et ça c'est une règle dans la charia de l'islam et il y a plusieurs versets dans le Coran qui supportent ce principe en plus du hadith comme par exemple le verset 276 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, et la yukallifullah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas charger une âme de quelque chose qui est plus lourd que qu'est-ce qu'elle est capable de supporter. Le verset 78 dans Sourate Al-Hajj, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a mis dans la religion aucune gêne. Hein? Aucune gêne, c'est-à-dire aucune chose qui est difficile au point de vous mettre dans la gêne. Et le verset 286 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, hein? Ça c'est l'invocation que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignée dans la fin de Surat al-Baqarah et ne nous fait pas porter ce que nous ne sommes pas capables de supporter et pardonne-nous et fais-nous miséricorde et ça c'est la suite du verset Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi donc c'est-à-dire ô notre Seigneur Rabbana la tu Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به donc ce verset là puis le verset précédent dedans il y a le verset qu'il dit ne nous prend pas pour compte si on oublie, hein, si on fait quelque chose, si on délaisse quelque chose par oubli, ou bien si on fait quelque chose par erreur. Et après ça dit, voilà, tu hammilna. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. C'est-à-dire ne nous fais pas supporter ou ne nous fais pas porter un poids ou un fardeau qui est trop lourd comme celui que tu as fait porter à ceux qui étaient avant nous. Et ne nous fais pas ne nous charge pas de ce que nous ne sommes pas capables de prendre. Et pardonne-nous, hein, épargne-nous, pardonne-nous, fais-nous miséricorde, tu es notre maître. Alors donne-nous la victoire sur les peuples mécréants. Donc ça c'est le verset 286 et les versets qui précèdent. Et le cheikh explique ensuite que cette religion, c'est la religion qu'on appelle Al-Hanifiyatu As-Samha. Hein? C'est-à-dire que c'est une religion qui est, premièrement c'est Al-Hanifiyya, la religion d'Abraham, la religion du pur monothéisme, du rejet de l'idolâtrie et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et As-Samha, ça veut dire que c'est une religion qui est remplie de tolérance et qui est beaucoup de comment je pourrais dire, de miséricorde dedans, beaucoup de d'indulgence dedans, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous charge que de ce qu'on est capable de faire. Et parmi les exemples de la facilité de la religion, de l'islam, et comment Allah l'a rendue facile, cette religion, il y a le fait que si par exemple quelqu'un est dans une situation où il est malade, hein, et qu'il n'est pas capable de prier debout, eh bien, on ne va pas lui dire par exemple, tant pis, tu dois prier debout quand même, hein, même si tes jambes sont cassés, ou même si tu as mal aux jambes, ou même si tu es vieux, ou même si tu es fatigué, prie debout malgré tout. Hein? Non. C'est une religion qui est basée sur la miséricorde et sur justement le fait que ce soit une religion de tolérance aussi en même temps. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas prier debout, eh bien, elle peut toujours continuer à faire sa prière, sauf qu'au lieu de prier debout, elle va prier assise. Et si elle n'est pas capable de prier assise, elle peut prier allongée sur son côté ou bien dans la façon qu'elle est capable. Par exemple, si quelqu'un est en voyage par rapport à l'islam, si quelqu'un est en voyage et que le voyage, on sait que le voyage, ça peut être parfois très lourd pour une personne, ça peut être très fatigant. Donc, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde aux croyants en leur allégeant les adorations et les obligations, et par conséquent, ils ont le droit de diminuer certaines prières, comme par exemple les prières qui sont de 4 rak'at. Au lieu de les faire 4, ils vont seulement les faire de moitié, c'est-à-dire ils vont prier 2 rak'at seulement. Et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend en considération la situation des croyants et de leur état, et il veut leur alléger la religion pour que ce ne soit pas plus trop difficile pour eux. Hein? Donc c'est un Seigneur qui est miséricordieux et qui tient compte de l'état de ses serviteurs et qui ne veut pas les gêner ou les mettre dans la gêne par des ordres ou des principes religieux qui sont comme des fardeaux sur leurs épaules. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, c'est une religion de miséricorde et de tolérance. Par exemple, si quelqu'un il a quelque chose qui l'empêche de pouvoir utiliser de l'eau parce qu'il est malade, par exemple, puis s'il commence à faire son ablution avec de l'eau, ça risque d'aggraver sa situation. Il risque, par exemple, de tomber plus malade. Hein? Et bien, dans ce cas-là, il peut, au lieu de faire le tayammum, au lieu de faire le wudu avec de l'eau, utiliser le tayammum. Et le tayammum, c'est l'ablution qu'on fait sans, quand il n'y a pas d'eau. On utilise la terre ou la poussière ou tout ce qui est au-dessus, à la surface de la terre pour se purifier avec. Et ça, c'est une alternative à l'eau lorsque quelqu'un soit qu'il n'a pas d'eau, ou soit qu'il n'est pas capable de l'utiliser, ou soit parce qu'il en a de l'eau, mais que c'est pas suffisant pour lui pour boire et en plus faire l'ablution. Hein? Donc s'il n'en a pas suffisamment pour boire, donc il a besoin de garder cette eau-là pour boire, alors dans ce cas-là, le reste, il va l'utiliser pour boire et il va faire le tayammum, hein, pour éviter justement de mourir de soif. D'accord? Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, le cheikh, il dit « وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ لَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَكِنَّ الْفِعْلُ قَدْ تَحْصُلُ فِيهِ الْمَشَقَّةِ إِذِ الْأَوَّلِ أَمْرٌ سَلْبِيٌ وَمَعْدُومٌ يَسْهُلُ تَرْكُهُ أَمَّا الثَّانِي فَلَا بُدَّ من إيجاد الفعل كالصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وغير ذلك فتلحق فيها المشقة أحيانا فلا يكلف الله الناس في هذه الحالة في هذه الحال إلا ما أطاقوا فالصيام قد يشق على المسافر فرخص الله له أن يفطر قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا تتجلى فيه رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكلف هذه الأمة ما لا طاقة لها به وأنه رفع عنه الحرج إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولم يقل فأتوا بكل ما أمرتكم به بل كانوا يسألونه عن أشياء فينهاهم عن هذه الأسئلة كما في هذا السؤال في كل عام مرة فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Donc le cheikh il explique ici que en ce qui concerne l'interdiction, le fait d'ordonner de s'écarter des choses interdites, c'est pas quelque chose qui est exigé ou une charge qui est rajoutée. Plutôt, c'est le fait de délaisser un acte ou de délaisser quelque chose. Et par conséquent, il n'y a pas eu de relation entre le fait de délaisser le péché et la capacité de la personne. Tandis que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'ordre, eh bien, à ce moment-là, il a dit « Faites-en ce que vous êtes capable. » Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici de quelque chose qui est ordonné, un acte qu'on doit faire. Tandis que lorsqu'on nous interdit quelque chose, c'est quelque chose qu'on doit délaisser. Et délaisser quelque chose, ça ne demande rien de difficile. Même si, parfois, pour certaines personnes, ça peut être lourd de délaisser certaines interdictions parce que c'est devenu quelque chose qui est attaché à leur âme et par conséquent ça devient difficile pour eux de les abandonner, mais c'est pas parce que c'est une charge qu'on leur demande de faire ou quelque chose qu'on leur demande de faire, mais plutôt quelque chose qu'on leur demande de cesser de faire. En principe, ça devrait être plus facile, hein? C'est comme, par exemple, quand tu dis à quelqu'un « raser ta barbe, c'est haram hein? ». Si tu lui ordonnes de se raser, ça, c'est quelque chose qui est un surplus parce que c'est une charge que tu lui donnes. Mais si tu lui interdis de raser sa barbe, alors là, ça, c'est quelque chose qui devrait être à la base plus facile parce qu'il n'a rien à faire. Hein? Il a juste à cesser de faire quelque chose. Et c'est pour ça que dans l'interdiction, il y a moins de l'ordre est moins dans l'interdiction, c'est l'ordre de ne pas faire quelque chose. Donc c'est moins lourd que l'ordre de faire quelque chose. Donc c'est ce point-là que le cheikh a dit. Et dans le hadith, on le comprend puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-en ce que vous pouvez, ce que vous êtes capable. Mais dans l'interdiction, il n'a pas dit ce que je vous ai interdit, cessez de faire ce que vous pouvez. Non, il n'a pas dit cessez de faire ce que vous pouvez, il a dit cessez, hein, de façon complète et de façon absolue. Ça veut dire donc qu'il y a moins de difficulté à délaisser ce qui est interdit que à faire ce qui est ordonné. Et il dit donc que, par exemple, la salat, de faire la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne, il se peut que parfois ça, il y ait certaines difficultés dans ça pour certaines personnes, parfois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il tient compte de l'état des gens et de ce qu'ils sont capables de supporter. Et on voit l'exemple de ça dans le jeûne. On n'a pas mentionné encore cet exemple-là, mais le cheikh, il le dit ici, il dit, c'est possible que quelqu'un, par exemple, qui soit en train de voyager, qu'il ait de la difficulté à faire son jeûne du Ramadan, par exemple. Alors, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis à cette personne de rompre son jeûne lorsqu'il voyage et de reprendre les jours manqués après le Ramadan. Donc ça fait partie des exemples de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 184 dans Sourate Al-Baqarah, eh bien, il clarifie ce principe-là. Donc, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors il peut reprendre en d'autres jours ces jours qu'il a manqués. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas ordonner à la Ummah quelque chose qu'elle n'est pas capable de prendre ou de supporter. Et il a retiré de la Ummah toute gêne et toute difficulté. Et il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous pouvez. Mais il n'a pas dit, il n'a pas dit, ce que je vous ai ordonné, faites-le au complet. Faites tout ce que je vous ordonne, faites-le. Il n'a pas dit ça. Hein? Il a dit, faites ce que vous êtes capable. Hein, parce qu'il y a tellement d'ordres, il y a tellement d'obligations que ça devient parfois même très lourd pour quelqu'un s'il voudrait essayer de tout faire ce qui est ordonné sans laisser rien du tout. Et il y a l'exemple ici de ce qui est mentionné à l'origine de ce hadith qu'on a mentionné. Et on avait expliqué ça au dernier cours, qu'à la base, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit suite à une question qui lui avait été posée de la part d'une personne lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il fallait faire le hajj. Hein? Et quelqu'un a dit au messager d'Allah, est-ce que c'est à chaque année qu'on doit le faire, au messager d'Allah? Et il a répété la question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se détournait de la personne, il ne voulait pas lui répondre. Et il a posé la question une deuxième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Et il a insisté encore une fois en posant une troisième fois la même question. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, si j'aurais dit oui, si je répondais oui à cette question-là, ça deviendrait obligatoire maintenant et vous ne seriez pas capable de le faire. Hein? Est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui, et même à l'époque, seraient capables de faire le hajj à chaque année? Hein? C'est impossible. Hein, on ne serait pas capable. Donc, le fait de poser ce genre de questions-là, c'est des questions qui sont, yani, disons, des portes ouvertes à l'embarras et à la difficulté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne posez pas ce genre de questions-là. Et même, il y a un autre hadith qui dit, hein, malheur à la personne qui a été la cause de l'interdiction de quelque chose qui à la base était licite. Hein? Et on a vu au dernier cours l'exemple de ça chez Bani Israël, lorsque ils posaient trop de questions à leur prophète. Et on a vu l'exemple dans Sourate Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de dégorger une vache. Et eux, au lieu de dégorger n'importe quelle vache, ils ont commencé à poser plein de questions. À savoir, est-ce que c'est une vache de telle couleur? Est-ce que c'est une vache de telle forme? Est-ce que c'est une vache de tel âge? Est-ce que c'est une vache de telle grosseur? Et commencer à demander plein de détails qui fait que par la suite, ça devient de plus en plus difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu l'affaire plus difficile pour eux, justement pour les punir de ces questions interminables, hein, qui finissent jamais parce que c'est des gens qui sont obstinés à vouloir tout le temps et à y contredire les ordres des messagers et à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un exemple. Et nous, notre Ummah, elle a été interdite de suivre ce modèle, de suivre cet exemple de Bani Israël qui posait trop de questions à leur prophète et qui divergeait avec leur prophète. Donc ici le cheikh il mentionne un autre exemple, il dit wa kama fi hadith sayati annahu alayhi salatu wassalam ittakhadha hujratan fil masjid من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليال أو ليالي حتى اجتمع إليه الناس أو اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح يعني ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بهم لم يستمروا في صلاة الليل وهم يصلون وراءه خشية أن تكتب عليهم فبأقواله وأفعاله تظهر منه الرحمة التي وصفه الله بها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن رحمته بهم أنه يقول لهم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا لا تتمنى لقاء العدو واسألوا الله أن يهديه وأن يكفيك الله شره فإذا واجهت العدو فحينئذ عليك أن تصبر واسألوا الله العافية عاد صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين وقد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقال دعا الله له فشفاه سبحان الله Donc, ici, le cheikh, il mentionne encore d'autres explications par rapport à la situation qu'on a mentionnée par rapport à l'interdiction et ce qu'on est capable de faire. Il dit que lorsque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prier la nuit, et c'est les nuits c'est-à-dire que c'est les exemples qu'on a vus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant la nuit. Il y a des musulmans qui venaient prier derrière lui pendant la nuit dans la mosquée pendant le Ramadan. Et c'est de là qui est à l'origine la pratique de salat at-tarawih. D'accord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pendant la nuit dans la mosquée et des gens commençaient à venir se réunir pour prier derrière lui. Donc la première nuit, il y a eu des personnes. La deuxième nuit, les gens se sont passé le mot. Donc il y avait encore plus de gens qui sont venus prier derrière lui pendant la deuxième nuit. Puis la troisième nuit, encore plus de monde. Et la nuit suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sorti dans la mosquée pour prier la nuit. Il est resté dans sa chambre. Alors les gens qui s'étaient réunis pour faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, ils s'étaient réunis dans la mosquée en l'attendant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne sortait pas. Alors il commençait à faire du bruit, à tousser, à faire du bruit pour faire savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient là en train de l'attendre. Et il ne sortait toujours pas. Finalement, il est sorti lorsque c'était l'heure de la salade de Fajr. Et il s'est adressé aux musulmans et il leur a dit « Je sais que vous êtes sortis. J'étais conscient de qu'est-ce que vous faisiez hier soir. Et je ne suis pas sorti. » Pourquoi? Parce que je craignais que cette pratique commence à devenir obligatoire pour vous. Parce que pour le moment, il le faisait uniquement à titre volontaire. C'était quelque chose qu'il faisait à titre volontaire. Il n'y avait pas d'obligation. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je craignais que si on continuait à le faire de cette façon, que la chose devienne obligatoire par la suite. Et il dit, vous n'auriez pas été capable. Du moment que cette chose commençait à devenir obligatoire pour vous, eh bien, vous n'auriez pas été capable de le faire. Parce que si c'est obligatoire, ça devient, hein, ça devient difficile de pouvoir continuer à le faire constamment. Donc ça, c'est un exemple ici qui nous montre en même temps la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment yani, il a justement pensé au bien de la Ummah. Hein? Même que parfois, certains parmi les compagnons, ils prenaient l'habitude de pratiquer certaines ibadat ou certaines adorations. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyant que ce qu'ils faisaient, c'était trop, il leur disait, diminue hein, la quantité de prière que tu fais ou bien essaie de faire moins parce que la meilleure adoration, c'est celle que tu fais. Yani en petite quantité, mais que tu la fais de façon constante. D'accord? Donc, le mieux, la meilleure adoration, c'est celle que tu fais de façon constante, même si c'est peu. Alors que peut-être qu'une personne, elle va prier pendant une nuit, elle va prier, yani, elle va faire une longue prière ou bien un grand nombre de rak'at, puis après pendant... peut-être plusieurs mois, elle ne va rien faire. Alors que la personne qui va juste se lever, par exemple, chaque nuit, elle va faire rak'atayn, puis elle va aller se coucher, eh bien, peut-être que ce n'est pas beaucoup, mais quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elle fait ça tous les jours, eh bien, tu accumules tout ça, ça fait beaucoup. Donc, des fois, c'est préférable de ne pas faire trop. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a dit à certains des compagnons, qu'aujourd'hui, peut-être que tu es en forme, tu es jeune, tu es capable de le faire, mais lorsque tu vas arriver à un âge, à un certain âge, tu ne vas plus avoir la forme ou la force de continuer à le faire, alors tu vas être obligé de délaisser ça. D'accord? Et donc, tout ça, c'est pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pensait à la miséricorde, il était miséricordieux pour les gens, et il pensait à leur bien. Et une femme, il l'a trouvée pendant la nuit, elle faisait la prière. En fait, c'est pas qu'il l'a trouvé, il a trouvé que dans la mosquée, entre deux piliers de la mosquée, il y avait une corde qui était accrochée. Alors quand il est passé devant cette corde, il a demandé, il a dit, c'est quoi cette corde? Hein? C'est bizarre de trouver entre deux piliers dans la mosquée, deux cordes, une corde accrochée comme ça. Et on lui a dit, ça c'est une corde qu'une femme accroche dans la mosquée pour prier la nuit quand elle est fatiguée. Elle se tient avec. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, enlevez cette corde. Il a dit, quand vous êtes fatigué, dormez. Hein? Vous n'allez pas prier, tu pries puis tu t'accroches après la corde pour éviter de tomber. Ça c'est de l'exagération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas ça. Hein? Donc ici ensuite, le cheikh il a mentionné donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par crainte pour ses compagnons, il a cessé de faire ça par miséricorde pour eux. Hein? Et c'est exactement en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran comme description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 128, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous » auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc ça, c'est quelque chose qui, justement, nous montre comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, était. Et c'est pas comme certains extrémistes aujourd'hui, ou bien à différentes époques, qui veulent montrer qu'ils sont tellement durs dans la religion, puis que ils veulent rien laisser passer. Et allez, subhanallah, il faut voir les circonstances et les situations. Alhamdulillah, cette religion, elle est une religion de la miséricorde, de la facilité, et ainsi de suite. Et donc, il faut tenir compte de ça. Si tu vois que, par exemple, il y a des gens, par exemple, quand il y avait le confinement et qu'on a fermé les mosquées, ils étaient fâchés. Ils disaient, mais pourquoi on ferme les mosquées? Nous, on veut prier, on veut aller. Il y en a. Et ils pensent que le fait qu'on n'ouvre pas les mosquées, que c'est un signe de la faiblesse de la foi, ou que parce qu'on n'est pas assez fort dans notre iman, donc on fait ça, que ça, c'est pas correct. Alors que dans les principes de la religion de l'islam, il y a justement les règles qui nous permettent de pouvoir justement prendre les précautions pour éviter un plus grand mal. Et que ça, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à l'islam, c'est quelque chose qui fait partie des règles même de l'islam, et que ça fait partie des principes même de la religion. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y en a qui pensent qu'on a fermé les mosquées, c'est juste parce que, comment ça s'appelle? L'organisation internationale de la santé ou je ne sais pas quoi, que c'est à cause d'eux qu'on a fermé les mosquées. Non, ce n'est pas à cause d'eux qu'on a fermé les mosquées, c'est par rapport aux principes de la religion qui nous ordonne justement de faire ce genre de précautions pour éviter la propagation d'un mal, comme par exemple cette maladie. Hein? Et c'est quelque chose qui s'était produit dans le passé, à l'époque des Sahaba et à d'autres époques à travers l'histoire. Il y a eu ce genre de pandémie. C'est pas nouveau. Et à ces époques-là, les fuqaha et les ulama, en se basant sur les règles et les principes de la charia, ils ont appliqué ces principes-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas quelque chose qui est étranger. Hein? Quand tu voyais, par exemple, certains pasteurs chrétiens ou je sais pas, qui parlaient à la télé ou dans leur truc, et les gens allaient dans les églises malgré l'interdiction. Puis il y a une de ces femmes qui était qui a parlé aux journalistes, et elle disait I'm covered in the blood of Christ, so the virus cannot touch me. Hein? C'est-à-dire, je suis couvert dans le sang du Christ, donc je peux pas être touché par le virus. Yani, c'est quoi ça? Hein? C'est des exemples de fanatisme comme ça qu'on trouve dans les religions qui sont à la base des religions humaines, c'est-à-dire des gens qui les ont inventées, comme le christianisme, le judaïsme ou d'autres religions comme ça. Ils ne tiennent pas compte des principes et des règles, justement, d'une religion qui est révélée par Allah et qui contient toutes les règles pour que les gens, justement, puissent avoir tout ce qui est bon et être protégés de tout ce qui est mauvais pour eux. Donc, alhamdoulilah, ala l'islam. Et le cheikh, il a mentionné aussi un autre exemple de ça, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, mais demandez-lui plutôt d'être épargné. Et lorsque vous rencontrez l'ennemi, alors faites preuve d'endurance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que la guerre ou la rencontre de l'ennemi sur le terrain de combat, lorsqu'on a une armée qui rencontre une autre armée, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait attendre avec beaucoup d'anticipation, puis être content de ça, puis souhaiter qu'il y ait ces affrontements-là. Non, parce que c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui est mauvais. Il y a des blessures, il y a des morts, il y a de la fatigue, il y a des pertes de vie, des pertes de biens. Ce n'est pas des choses qui sont nécessairement positives. Sauf que c'est préférable de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en épargner. Et si par contre l'ennemi arrive et qu'on doit l'affronter, alors là, à ce moment-là, faisons preuve d'endurance, faisons preuve de fermeté, de patience et allons au combat. Mais si on est capable de l'éviter à l'avance, ça c'est préférable. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit, ne souhaitez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi. Mais plutôt demandez à Allah que Allah le guide. Hein? Ou demandez que Allah vous épargne de son mal ou vous protège de son mal. Donc il dit, par contre, si vous devez l'affronter, alors à ce moment-là, si vous n'avez pas d'autre choix, faites preuve d'endurance et soyez patients. Ça, c'est les paroles de qui? C'est les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est le prophète de la miséricorde. Il dit dans le hadith, et demandez à Allah al-afiya. Al-afiya, c'est-à-dire d'être épargné, d'être sauvé, hein, de ce mal qui pourrait vous atteindre. Non. Donc, ensuite, il a donné un exemple d'un hadith, subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour visiter un compagnon. Hein? Et ce compagnon-là, subhanallah, il avait une maladie. Hein? Il avait une maladie. Et il est devenu tout maigre. Hein? Il est devenu vraiment faible, maigre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé pour le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une question. Et vous voyez en même temps aussi yani, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est perspicace dans ces choses-là. Il sait déceler les symptômes ou les problèmes de quand il y a quelque chose qui est pas normal. Alors qu'est-ce qu'il lui a demandé comme question? Il lui a dit, est-ce que tu as invoqué Allah pour quelque chose particulier ou tu lui as demandé quelque chose par rapport à ça? Et l'homme a répondu, il a dit, oui, effectivement. J'ai invoqué Allah en lui disant, oh Allah, si tu dois me châtier dans l'au-delà, eh bien, précipite-moi ce châtiment-là dans cette vie d'ici-bas. Subhanallah. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, subhanallah, tu ne peux pas supporter ça. Tu n'es pas capable. C'est pas possible. Tu peux pas demander ça. Il lui a dit, plutôt à la place, tu devrais dire, oh Allah, donne-moi le bien dans cette vie d'ici-bas et donne-moi le bien dans l'au-delà et protège-moi du châtiment du feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué donc Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et il est guéri. Il a finalement été guéri de ce qu'il avait. Donc, subhanallah, la personne, il a demandé à Allah de le châtier. Il dit, si je dois être châtié dans l'au-delà, donne-moi ce châtiement-là dans cette vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu ne peux pas supporter ce genre de châtiment-là. Pourquoi tu demandes ça? Hein? C'est étonnant de la part de certaines personnes, justement, de souhaiter ou de demander des punitions. Même si on sait que les maladies qui nous touchent, les malaises qu'on peut avoir, la fatigue qu'on peut ressentir, les blessures qu'on peut se faire, tout ça, c'est des expiations pour nos péchés. Oui, ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, fais-moi tomber malade pour me pardonner mes péchés? Non, on n'a pas le droit de demander ça à Allah. Plutôt, on devrait lui demander de nous épargner. Et c'est exactement la même chose que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi. Hein? Les ulama ils disent, ne souhaitez pas la fitna. Hein? Il y en a qui disent, ah, moi j'aime la fitna, parce que dans la fitna, on peut découvrir yani, certaines choses de qu'est-ce qui est mauvais, et on peut distinguer le vrai et le faux à la fin, parce qu'on voit ceux qui étaient accrochés fermement et ceux qui ne le sont pas, et tout et tout. Yani, qui t'a dit que quand la fitna va venir, toi tu vas être du bon côté? Hein? Tu ne devrais pas souhaiter la fitna. Au contraire, tu devrais t'enfuir de la fitna et chercher à t'en préserver le maximum. Mais si jamais la fitna elle vient et que tu es là, eh bien accroche-toi à la vérité et essaie de faire en sorte que tu sois yani, sur la bonne voie. À la kulli hal, le cheikh il dit pour terminer, fal muslimu yas'al Allah al-afiyata fi dinihi wa dunyahu في بدنه وماله وعياله ولا يتمنى نزول البلاء ولا يتعرض لنزول البلاء ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل هذا من رحمة الله تعالى وسماحة هذه الشريعة الحنيفية السمحة التي تميزت على الشرائع قبلها فأدركوا هذه الأمور وتمسكوا بها ودعوا كثرة القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فهذه وتلك كلها ربانا عليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لنكون خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما شرعه الله لنا ومن اجتناب النواهي والقيام بما أمر على الوجه الذي شرعه، وأن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ici le cheikh il termine en disant que le musulman il devrait donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être épargné dans sa religion et dans sa dunya, dans son corps, dans ses biens et dans ses enfants, et il ne devrait pas souhaiter que les malheurs tombent sur lui ou d'être touché par un malheur quelconque. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 195 dans Surat Al-Baqarah, et ne jetez pas vos mains vers ce qui amène votre perte. Hein? Donc tout ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la tolérance de cette sharia, hein, de tolérance qui a été révélée pour nous et qui a été distinguée des autres législations qui ont été révélées avant elle. Et le cheikh il dit donc essayez de comprendre ces choses là et accrochez-vous à ces principes là et il dit que on devrait délaisser complètement le fait de poser trop de questions, de parler, hein, de raconter trop de choses inutiles et de poser trop de questions et de gaspiller l'argent. Et il dit que tout ça, ça fait partie des enseignements sur lesquels notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués pour que nous soyons la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner le succès, ainsi qu'à vous-même, de faire les œuvres selon ce que Allah nous a légiféré et de nous écarter de ce qu'il nous a interdit et d'établir ce qu'il nous a ordonné de la manière qui a été légiférée pour nous, et de nous faire miséricorde ainsi qu'à vous-même dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il est certes miséricordieux, et paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Donc c'est ce qui conclut le livre de l'explication des hadiths choisis dans le chapitre de Sahih al-Bukhari, dans le chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah. Et donc, on a terminé ce livre, Alhamdulillah. Et il y a des questions et des réponses qui ont été mentionnées, ou qui ont été posées plutôt. Et peut-être qu'on pourra en traduire quelques-unes, Inch'Allah, la prochaine fois. Pour l'instant, donc on va s'arrêter ici pour ce qu'on a lu jusqu'à date. Et je choisirai quelques questions, peut-être deux ou trois ou quatre, on va voir. Puis je les traduirai, Inch'Allah, pour vous. Donc c'est ce qui conclut.